faire confiance à Dieu. Le seul survivant du naufrage d'un navire se retrouva sur une petite île déserte. Il pria avec ferveur pour demander à Dieu de le sauver, et chaque jour il regardait l'horizon, espérant voir arriver un secours. Mais rien ne venait. Épuisé, il réussit quand même à bâtir une petite maison, tout en bois pour se protéger et pour lui permettre de stocker ses quelques provisions. Mais un jour, après être allé chercher de quoi manger, il arriva à la maison et la trouva en flammes, la fumée montant jusqu'au ciel. Le pire s'était réalisé. Tout était perdu. Il se sentit ravagé par la douleur et la colère. « Dieu, comment as-tu pu me faire cela ? » cria-t-il. Mais tôt, le lendemain, il fut réveillé par le bruit d'un bateau qui s'approchait de l'île. Il était venu pour le sauver. « Comment saviez-vous que j'étais ici ? » demanda l'homme à bout de force à ses sauveurs. « Nous avons vu tes signaux de fumée, répondirent-ils. » Il est facile de se décourager lorsque les choses vont mal, mais nous ne devrions pas abandonner, car Dieu est en train d'agir dans nos vies, même au milieu de la douleur et de la souffrance. Rappelez-vous, la prochaine fois que votre petite maison brûlera entièrement, ce ne sera peut-être qu'un signal de fumée qui fera appel à la grâce de Dieu.